Ta bonté qui se réalise à travers nos gestes ce soir. Nous sommes venus ensemble comme ceci. L'expression de ta bonté à l'égard de nos âmes. Nous t'offrons ce culte. Le service de prédication. Le service de prière. Le service de chant. Chaque chose qui est posée ici. Que ce soit fait pour ta gloire. Nous te prions d'agréer cela. Pour le sang de Jésus-Christ. Que tu sois notre force. Notre paix. Notre victoire. Notre bouclier. Et soit notre guérison. Notre délivrance totale. Nous avons divers besoins. Et toi tu es riche en tout. Tu es riche pour tout ce qui t'envoie. Et ta parole. Parle à chacun maintenant, Père. Et pardonne nos péchés. Donne la force à chacun de mieux t'aimer, pour mieux te servir. Que ce ne soit pas une contrainte, un forcing, mais plutôt l'amour, l'histoire d'amour dans nos esprits avec notre Dieu, les profondeurs de nos cœurs envers le Dieu vivant. Que notre amour marche bien avec toi. Produise les fruits dignes. Et que notre confession, notre langage, nos modes, nos désirs soient ceux du ciel. Exauce-nous, Seigneur, dans les tout-puissants noms de Jésus-Christ. Nous prions ainsi. Amen. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu dans Malachie chapitre 4, le verset 5 et 6. Longo mitano na motoba. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Tala, ngai na côté de la bino, Mosakoli Elia. Iboso na koya na mokolo munene mpe na somo na Yahweh. Akobongola mitema na batata epai na bana. Mpe mitema na bana epai na batata. Na bongo ete na ya mpe na beta mokili na ekweile mabete. Marc chapitre 9. Malako mukapo ya libwa. Verset 11 à 13. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils les ont voulu, selon ce qu'il est écrit de lui. Batuniye ete, mpona nini bakomeli, bakolobaka ete, ekokina Elia koyali boso. Ye alobina bango ete, solo, Elia, azali koyali boso, mpona kobongisa makamu nyonso. Ekomami mpeboni, mpona likambo, na mwana na moto. Ete, akoloka mpasi mingi, nantina na makambo mingi, mpe, akotiolama. Ndengai nazali koloba na bino ete Elia asili koya mpe basaleli ye na motindo molingaki bango lokolo ekomami mpona ye. Acte des apôtres chapitre 3. Misala na bantoma mokapo misatu. Verset 20 et 21. Longo tukumi baleke tukumbe na moko. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Mpe ete, atinda Christo oyo, apona melibino, ye Yesu, e kokiete aumela na likolo, kino tango na kokisama na makamu nyonso, yango elobami, elobaki nzambe na minoko na basakolina ye na bule, longwa na kala kala. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Qui est une dame d'après moi la botanie et le manaïe. Au nom du Seigneur. Beaucoup vite vanda na komana solo. Nous vous souhaitons la bienvenue ici à sa table. Totombe le binoboye malamo awa na mesa naïe. Dans la maison de Dieu. Na ndako na nzambe. Où la grâce est au rendez-vous. Mistika ngulu ezali koya na bokutani. Tant que Dieu nous donne sa parole, cette parole est pleine de grâce et de vérité. Nous croyons à la vivacité des Saintes Écritures, à la puissance créatrice de la parole de Dieu pour solutionner divers problèmes, pour pourvoir à différents besoins. Dieu est équipé et capable de le faire. Nous poursuivons ainsi notre sujet. Comment éprouver un ministère de la parole? C'est le thème. Alors, nous sommes en train de voir les commissions de William Branham. Il y a eu la première commission, celle de juin 1933. Ezali ya musanza ya motoba mubu ankoto boko kama li boto komisa na misato. La deuxième commission du mois de mai 1946. Oh ya mi balé ezali ya sanza mitano mubu ankoto moko kama li boto ku minei. La troisième commission est celle du mois de mars 1962. Oh ya misato ezali nde ya sanza misato mubu ankoto moko kama li boto ku motoba. Je répète encore. Na bandeli lisusu. Dans la première commission. Et il ali le Seigneur notre Dieu, Colo d'Amérabiso, sous forme de la colonne de feu, et une lumière éblouissante, il a comparé son prophète qu'il a envoyé au messager prophète William Branham. Au messager prophète Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était un messager. Yohana Wetsazalaki, mon messager. Il était un prophète. Azalaki Moussakoli. Et même plus qu'un prophète. Azalaki Koneka Moussakoli. Il était loin de l'esprit d'Élie. Il avait la puissance et l'esprit d'Élie, selon les Écritures. Azalaki Nanguya Pena Moulimona Eli appelé Moko. Le Seigneur tire son parallèle. Il montre par là que le serviteur qu'il envoie en Branham, si Dieu l'a établi messager, il l'a établi prophète, et même plus qu'un prophète, et qu'il l'a établi pour marcher dans la puissance et l'esprit d'Élie. Selon ce qui est écrit et promis dans la Bible. Il a savoir comprendre le langage de Dieu. Dieu ne compare rien pour rien. Il compare ce qui est comparable. Il y a plusieurs prophètes dans la Bible. Mais pourquoi quand il devait envoyer William Branham, il devait seulement dire de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste. Pourquoi? C'est justement parce que il y avait des choses dans le ministère de Jean-Baptiste que Dieu a replacé dans William Branham. Et les caractéristiques scripturaires doivent aider chaque adorateur à identifier l'œuvre de Dieu, à identifier la mission divine, à lui trouver un fondement biblique. Sans aller chercher des témoignages de Mama Donatien ou le rêve de Mama Cécile. Dans ce que Dieu dit, il y a la réponse à nos questions. Donc, même s'il n'y a pas une seule Mama Cécile qui s'est levée pour dire, moi je témoigne que frère Branham était Élie. J'ai eu une expérience le matin vers 5h52. Je l'ai vu et j'ai entendu une voix qui a dit qu'il est Élie. Même s'il n'y a pas quelque chose comme ça. Et dans la teneur de ce que dit Dieu à son serviteur. Vous avez les inspirations et les profondeurs nécessaires. Identifier quel est le genre de ministère qui vient. On a coté là. Le tome où ils allaient amen. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, en ce jour-là, il y a eu ce qu'il y a eu. Que Dieu soit miséricordieux envers nous. Alors qu'il a fait de grandes choses, et nous voulons profiter de cela comme il se doit. Il a eu à dire ceci. Je crois que nos questions et nos doutes aussi doivent finir. Dans le sermon de deuxième son, prêché le 19 mars 1963, je prends là à partir du paragraphe 80 jusqu'au paragraphe 87. Deuxième son. Quand il est apparu sous la forme d'une lumière, là-bas à la rivière, cela fera 33 ans en juin prochain. Je vais dire 30 ans. C'est le 19 mars 1963 qui dit ça. En faisant le calcul, 1963 moins 1933, ça donne 30 et non pas 33. Donc le lapsus peut arriver et nous voyons la pensée. Cela fera 33 ans en juin prochain. Vous les anciens, souvenez-vous que je vous avais dit que depuis que j'étais petit, il y a eu cette voix et cette lumière. Et les gens pensaient que j'avais un peu perdu la tête. Naturellement, j'aurais probablement passé la même chose. Si quelqu'un avait dit cela. Mais maintenant, vous n'avez donc pas à vous poser de questions à ce sujet. Dans ce que Dieu dit, il y a les réponses valables. Si réellement vous entendez correctement ce qu'il a dit, il n'y a plus à continuer à se poser des questions. Mais prenez la réponse de Dieu. Prenez ce qu'il a dit et mettez votre foi dedans. Donc, maintenant, vous n'avez donc pas à vous poser des questions à ce sujet. Et l'Église ne se pose pas de questions depuis 1933. Vous aussi, tabernacle chrétien, entrez dans cette réalité. S'il fut un temps dans votre passé, où ce sujet semblait tabou, obscur, incertain, entrez sous l'identité de l'Église maintenant. L'Église qui est l'Église des yeux, à ce sujet-là, cette première commission, ne se pose plus de questions. Parce qu'elle a déjà la réponse. Gloire à Dieu qui nous a manifesté. Dieu nous a manifesté ses voix. Il nous a parlé clairement. Et cela met fin à toutes les questions. Nous avons les réponses valables. Et depuis 1933, l'Église ne se pose pas de questions. Ce jour-là à la rivière, alors que j'ai baptisé des centaines de personnes, je me souviens que le jeune meilleur m'avait dit, tu vas là plonger ces gens dans l'eau, Billy. De plonger dans l'eau. Le jeune Dim Meyer, je crois qu'il est mort maintenant. Je pense qu'il a été tué là. Et une femme l'a abattu. Mais il m'a demandé, vas-tu plonger ces gens dans l'eau? J'ai dit non, mais je vais les baptiser au nom du Seigneur Jésus. Il ne s'agit pas d'aller plonger les gens dans l'eau. Loin de là. Vous savez, nos petits enfants, des fois, on fait des histoires. Quand ils ont assisté au service de baptême à la rivière Ndili, certains étaient devenus très excités. Mais ils disent, oh non, okay. Tu ne veux pas m'amener là-bas. Papa David va me plonger. Il va te plonger. Plonger dans l'eau, non. Pour eux, on plonge les gens dans l'eau. Ce n'est pas plonger les gens dans l'eau. Il s'agit de les baptiser au nom du Seigneur Jésus. C'est clair pour tout le monde. Ne tenez pas ça pour une plongée. Il plonge dans l'eau. On ne plonge pas les gens dans l'eau. Nous les baptisons. C'est différent. Et il y avait une femme dans le groupe. Et il a dit à une autre femme, il a fait une observation. Quelque chose à ce sujet. Il a dit, moi, ça ne me dérangerait pas qu'on me plonge dans l'eau. Moi, ça ne me dérangerait pas qu'on me plonge dans l'eau. Et il a dit, ce n'est pas grave, ça m'est égal. Et les amis, ben, pas cité, elle venait aussi pour être plongée dans l'eau. Écoutez la réaction du prophète. J'ai dit, rentrez, vous répandiez. Et on a dit, kende, koyambola. Zonga na nous, qu'on se répandiez. Êtes-vous là? Amen. Les choses de Dieu, on ne joue pas avec ça. Donc on a dit, on a plongé. Ah, moi aussi. Madame, moi ça ne me dérange pas. Je vous plonge. Ça m'est égal, on me plonge aussi moi. On va dire, ça rappelle. une personne pareille. Il s'agit du baptême chrétien. Elle appelle ça une plongée dans l'eau. Elle trouve ça comme une comédie. Elle passe tout là-bas. Que nous immergeons dans l'eau. Nous baptisons au nom de Jésus. Parce que c'est la repentance qui précède le baptême. Mais avec un cœur impénitent. Comment voulez-vous qu'on se lève un matin, qu'on aille le soir plonger les gens dans l'eau? Qui veut être baptisé? Et puis ensuite on compte le nombre de membres. Notre église s'agrandit, vous savez. Appelle les gens. Dieu travaille. Pour quel résultat? Un tas de poules mouillées là-bas. Les gens doivent se repentir d'abord. On n'insiste pas tant sur le baptême lui-même. Mais c'est sur la repentance. J'ai dit, rendrez-vous repentir. Vous n'êtes pas digne d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, elle n'était pas digne. Et le prédicateur doit avoir assez de discernement en lui. Pas seulement se lever, mais agir par ambiance. Tu dois faire ce que la parole a dit de faire. Pas agir sur base des hypothèses absurdes. Est-ce que c'est le baptême qui sauve quelqu'un? Si il n'a pas expérimenté quelque chose de salut au-dedans, il n'y aura rien. L'expérience doit venir avant. La repentance pour obtenir le pardon des péchés. Ça doit précéder. J'ai dit, rentrez-vous repentir. Vous n'êtes pas digne d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Voyez, on ne joue pas avec ça. C'est l'évangile de Christ. La parole révélée par une commission. Alors on ne joue pas avec ça. Maintenant vous dites, ce sont des absurdités et des sottises. Vous auriez pu dire cela pour autre chose. Mais souvenez-vous, il a été promis dans la parole que ceci arriverait. Et exactement ce que ce serait, et le voici. Donc, notre message, l'évangile qui est prôné maintenant, a été promis dans les Écritures. Et voici le Dieu fidèle à l'œuvre. N'êtes-vous pas heureux d'être connecté à ces voix? Frère Branham lui-même conscient que ce qui se faisait était l'accomplissement des promesses évangéliques de la Bible. Et vous aussi qui croyez suivre son message, rien conscience. Il s'agit de l'accomplissement des promesses bibliques. Exactement comme Dieu avait prévu. Textuellement comme c'était écrit. Que Dieu soit loué. Alors là, ce jour-là, Pendant que les gens étaient là à la rivière, et l'ange du Seigneur dont je vous ai dit qu'il ressemblait à une étoile, ou quelque chose dans les lointains, il s'est donc approché. Et je vous ai parlé de l'aspect de cette lumière émeraude. Une lumière de couleur émeraude. Émeraude, c'est jaune verdâtre. Jaune le cola vert. Voilà, c'est cette couleur-là. Et il leur a parlé de cette lumière. Elle qui était descendue en juin 1933. Et voilà qu'elle est descendue là sur la rivière. Où j'ai baptisé. Quand les hommes d'affaires ici dans la ville ont dit, qu'est-ce que cela veut dire? Ils étaient les hommes d'affaires, ils connaissaient les affaires d'argent. Mais quand on va dans les surnaturels, ils questionnent, allez auprès des hommes envoyés de Dieu. Ils vous expliqueront la parole de Dieu. Les choses de Dieu deviendront plus claires. Alors, ne cherchez pas des explications les uns aux autres en camarade. Un homme d'affaires allant vers un autre homme d'affaires. Tu as entendu là-bas? Il paraît une lumière là. Jaune, vert. Jaune, vert. Là, c'est émeraude. Jaune, vert. C'est une couleur émeraude là. Il dit que il paraît que c'est descendu du ciel. Toi, un homme d'affaires. Tu sais manipuler l'argent. Tu sais chercher l'argent. Pour produire les bénéfices. Toi, tu connais les formules. Pour multiplier les revenus. Mais tu parles auprès de quelqu'un d'autre. Dont l'expertise est de savoir multiplier les revenus. Tu entends parler. Qui a une lumière qui est descendue là. Quelque chose où vous êtes complètement étranger. Tu parles lui demander. Et mon cher ami. Qu'est-ce que cela veut dire? Non. C'est comme les mages qui sont allés chez le roi Hérode. Pour lui poser la question de savoir. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Oui, un politicien. Le roi des Juifs. On veut me détrôner. Donc, ces mages parlaient d'erreur. Sont allés provoquer une persécution terrible. Et 2000 enfants sont morts. De 0 à 2 ans. Tout ça parce que les politiciens voulaient se rassurer d'avoir éliminé le prétendant roi de Juda. Parce que ces gens politiques, on dit qu'on ne néglige jamais un fait social. Un fait social, on ne le néglige jamais. Parce que ça peut être un arbre qui cache la forêt. Là où toi tu entends, tu dis, oh, pour le cas. Je mets à faire les analyses. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Et toi, si on prend pour se faire la jupe pendant le lingui, ils ont demandé où est le roi des Juifs qui vient de naître. Le roi Hérode apprend que le roi des Juifs vient de naître. Ok, ça va. Il fait venir les scribes, les gens qui sont forts dans les écritures, les hommes de Dieu. Et d'après les écritures, le Messie devait naître d'où? Le Messie est venu là qui à Botamawapi. Alors ils disent avec précision. Alors ils viennent à ce qui? À Bethléem. Pourquoi à Bethléem? Dans la province de Judée. Mais ah ok. Il. Car voici ce qu'a dit le prophète Michée. Et toi, Bethléem Ephrata. Yo, Bethléem Ephrata. Tu ne seras pas la moindre des villes de Juda. Yo, mais de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Kasi, na kasi na yo, na kozo ya ko kamba. Les origines remontent au temps de l'éternité. Non, so wana, ezali ko wuta penta na tango ya ezala zala. Alors, c'est quoi? Alors, bini. C'est si sérieux? Allez-vous-en. Allez-vous les marches. Identifiez-les. Bon, et venez me donner le compte-rendu. Bon, pour que moi aussi j'aille l'adorer. Un politicien qui vient pour adorer un concurrent. Bon, qui viendrait adorer un prétendant successeur à son trône. Oh, le pendaya koko mambela moto, les amis, comment la nette qui a conduit la nation. Bonne chance et longue vie. Vous pensez? Et qu'on a repris un salam mikonembele. Mon Dieu. Pendant qu'il a encore un bébé, un gamin qui est derrière. Les animaux en amouké à l'autre côté. Mais c'est l'état de l'étranger. Quand c'est dans le temps de faire un commandé, à moi. Social. Je suis venu d'ailleurs, peut venir jusqu'ici. Ils sont convaincus que les rois d'Égypte viennent naître. Pour me remplacer. En dehors du cirque que moi je maîtrise. Mais mon successeur doit venir de mon sillage. Je dois les connaître, les préparer pour que lui reprenne. Je ne sais où là. C'est moi. Je ne sais pas si c'est moi. La malice. Allez-y. Dès que vous l'aurez vu, revenez. Nozonga. Donnez le compte rendu. Pour me permettre moi aussi d'aller l'adorer. Les mages vous ont dit oui, oui. Et alors, quand ils ont quitté Hérode, ils ont quitté les sillages de la politique. C'est alors que la colonne de feu qui avait disparu est réapparu devant eux. Pour les conduire à nouveau. La colonne de feu ne se mélange pas à la politique. Au pouvoir temporel ici. Et regardez ce qui se passe. Ils ont quitté la maison royale. Et ils ont revu la colonne de feu. Alors, Seigneur Dieu, pardonne nos erreurs et nos fautes. Il aime conduire ses enfants. Humiliez-vous sous son autorité. Alors, ils sont allés avec joie là où elle s'est arrêtée. Ils ont dit, ok, c'est au-dessus de la maison où étaient Marie et Joseph. Quelle précision ! Les politiciens n'ont pas pu. Les scribes n'ont pas pu leur donner l'adresse. Les scribes ont répété un verset. Mais ils ne savaient pas indiquer où est-ce que ce verset était en train de s'accomplir. Ce que les scribes ne connaissaient pas. Ce que les conseillers du roi ne connaissaient pas. La colonne de feu le connaissait. En elle, il y a la réponse à vos questions. Dans ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, veuillez trouver les réponses valables. Ne continuez plus à vous questionner indéfiniment. Gloire à Dieu. Nous sommes ça. Et quand ils sont entrés dans la maison, ils ont vu l'enfant. Guidé par la colonne de feu elle-même. Est-ce qu'en ce temps, il peut vous conduire aussi? Frère Branham a dit, quelque chose peut m'arriver moi. Je peux mourir. Mais cette colonne de feu que vous voyez n'a rien à voir avec moi. C'est pour toute l'église. Amen. Comprenez ça. Cette colonne de feu là, la même dont nous parlons au sein de l'expérience de juin 1933. Elle est pour toute l'église. Que Branham soit présent ou absent, La colonne de feu ne change pas. C'est la colonne de feu de notre Dieu. Elle était ressalue ce jour-là, la Pentecôte. Elle devait retourner dans l'église au temps de la fin. Et Dieu a tenu promesse. Soyons vigilants. Et proprement dans la prédication, votre vie était digne d'évangile. Il avait dit qu'une vie, toute vie qui ne suit pas la colonne de feu chaque jour, à chaque heure, n'est pas digne de l'évangile que nous prêchons ici. Montre que ta vie à toi, nos vies à nous, doivent suivre la colonne de feu chaque jour, à chaque heure. Que Dieu soit ton guide. Qu'il soit la lumière sur ton chemin. Il conduit avec précision. Quand vous vous confiez en lui, vous ne serez jamais confondu. C'est écrit ainsi et ça se fait ainsi. Les mâles se sont confiés et ils sont arrivés à bon port. Après avoir rendu, adoré le Messie, ils étaient divinement avertis. Par le Seigneur qui connaît les secrets des cœurs. Ne se fie pas au dire des hommes. Il leur a dit de ne pas retourner par le même chemin. Donc si leur chemin en venant est passé par chez Hérode, il devait comprendre que Dieu refuse que leur chemin en retournant passe par Hérode. Et c'est qui va se et la Bible dit qu'ils sont retournés dans leur pays par un chemin détourné. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ne craignez pas de vous égarer. Quand Dieu parle, il prendra soin. Ne vous questionnez pas ce que dit la colonne de feu. Il y a des réponses valables qui doivent donner la paix à votre cœur. Sachez que Dieu sait tout. Et Dieu ne rate jamais ce qu'il fait. Il est tenu de réussir dans tout ce qu'il fait. Et les mages se sont confiés dans un pays étranger. Mais ils ne se sont pas égarés. Ils sont arrivés chez eux. Pourquoi? Il est écrit que Dieu conduit merveilleusement ses fins. Et l'Écriture dit, reconnaissez ça. Reconnaissez que l'Éternel conduit merveilleusement ses fins. Moi, je reconnais ça. L'Église doit reconnaître ça. Que Dieu conduit merveilleusement c'est ça. Et mettons-nous dans la peau de l'agneau. Pour être conduit par lui. Demeurons humble et que lui nous guide. Pour la peine à ce qu'il est payé à Kambabiso. C'est vrai. Yes, j'avance ici. Et voilà. Elle est descendue, la colonne de feu, là, sur la rivière. Où j'ai baptisé. Quand les hommes d'affaires ici dans la ville ont dit, qu'est-ce que cela veut dire? Les hommes d'affaires, vous n'aurez pas de réponse entre vous là. Gérer vos affaires, manipuler l'argent. Mais laissez la parole au ministre de la parole. Êtes-vous là? J'ai dit, ce n'était pas pour moi. C'était pour vous, je le crois. C'est pour vous que Dieu l'a fait. Pour vous montrer que je vous dis la vérité. Comme je n'étais qu'un enfant, un garçon, et j'avais environ 21 ans. Les gens ne voulaient pas croire cela. Vous voyez, parce que ça n'était trop pour un enfant. Un événement de ce niveau-là, dites-moi qui s'accomplit pour un jeune homme de 21 ans. Dès ce jour-là, il doit témoigner que Dieu lui a confié un message que nous avons décortiqué mercredi comme étant un message prédestiné qui devait être prêché dans le monde entier. Par un garçon de 21 ans. Un primérien de formation. Une famille pauvre. Il y a même pas un ancêtre qui était connu parmi les grands hommes de Dieu. Un père ivrogne. Et de surcroît contrebandier d'alcool. Motekisi masanga na simandako. Donc c'est-à-dire assez rusé pour échapper à la vigilance de la police. Et la police est obligée de la partie. La police est obligée de la venez voir, ce sont des tonneaux d'eau. Et la police est pas. La police est pas. C'est pas lié à l'alcool. Maintenant, un peu l'enfant. Moi, n'a bongo. Non, ils ont pensé qu'il a perdu un peu. La qualité était haute. Liboma. Ça c'est trop nous demander. Oui, ça fait comme tout le monde. Mais si Dieu doit travailler. Mais ça fait ça malin. Si Dieu ne le voit pas. Tata yo chamine ne me bimba. On ta mamoni mangote. C'est papa là, c'est toi qui le vois. Tata on a yo mouton zeri kumuna. Et qui veut leur donner des fonctions. Oui, ils ont fait ça dans là. Mais Dieu ne les a pas vus à la fonction où vous voulez les mettre là. Ta mamoni mangote na musala yo ils ont fait ça dans quoi là. Dieu les a vus faire autre chose. Ta mamoni mangote ça ne l'a pas vu. On ne donne pas de conseils à Dieu. Ma presse à Catholine en table d'été. Amen. Mais on se soumet à ce qu'il veut. Soyons humbles et Dieu nous élèvera. Ne soyons pas complexés devant les autres. Dieu a choisi qu'il en soit ici. Qu'un garçon de 21 ans passe par là. Écoutez, que la gloire lui revienne. Nous n'avons pas alimenter un complexe quelconque. Il a voulu qu'il en soit. Regardez dans les sermons l'absolu. L'absolu prêché le 30 décembre 1962. Il se réfère à la même expérience. Le paragraphe 163. Oh, écoutez. Oh, je me rappelle quand il est descendu là-bas. Dans cette grande lumière. Alors que je me tenais dans le fleuve. En 1933. En juin. Et qu'il a dit. Comme Jean-Baptiste. Comme Jean-Baptiste. A été envoyé pour annoncer et préparer la première venue de Christ. Je t'envoie avec un message pour le monde. La différence entre aussi là. Il y a des similitudes avec Jean-Baptiste. Mais il y a aussi des différences. Jean-Baptiste, nous l'avons lu hier. Il a dit que c'était afin que lui, le Messie, fût manifesté à Israël que lui, Jean, a été envoyé baptiser d'eux. Donc, lui, il est allé préparer la venue du Messie à Israël. Et là, auprès d'Israël. Mais pour le messager de notre temps. La mission est mondiale. Elle ne visait pas le Amen. Pays américain. Le Seigneur a dit pour le monde. Amen. Que vous soyez, ne fuyez pas. Le message vous concerne. Vous devez entendre, vous repentir et croire. Quand Dieu a dit c'est pour le monde. Toutes les nations du monde entier sont concernées par ce message. Parce que l'enlèvement de l'église ne concerne pas qu'une seule nation ou quelques nations. Et ça n'est pas la paix au l'événement universel. Et aussi le rétablissement de toute chose. Ne concerne pas que quelques villes de la terre. Et ça n'est pas le rétablissement de toute chose. Concerne le monde entier. Et ça n'est pas le vous là. Comprenez, je vais y revenir dans ce moment. Pour que chacun ouvre son entendement. Comme Jean-Baptiste. C'est là que je vous l'ai dit, frère Branham a été comparé à Jean-Baptiste. Et c'est Dieu lui-même qui le fait. Comme Jean-Baptiste. Voyez, quand le Saint-Esprit est descendu du ciel au temps de Jean-Baptiste, Tango. Il est descendu comme une colombe. C'est une comparaison. Omoni, quand Dieu envoie les associés 4-11, il donne les comme apôtre. Comparaison par rapport à lui-même. L'apôtre de notre foi. Les autres comme prophètes. Comparaison par rapport à lui-même Jésus-Christ. Il est le grand prophète qui devait venir dans les mots. Il est un prophète aussi comme Moïse. Comparaison sur comparaison. Donc, quand Dieu dit comme Jean-Baptiste, je suis en parallèle. Et c'est une comparaison entre les deux hommes. Et par là, il confirme que lui qui envoie Branham est le même qui dans la Bible avait envoyé Jean-Baptiste. C'est une confirmation surnaturelle. Clairement exprimée. Que c'est lui qui croit dit Amen. Comme Jean-Baptiste est envoyé pour annoncer et préparer la première venue de Christ. Je t'envoie avec un message pour le monde pour annoncer et préparer la seconde venue de Christ. Et le message est allé dans le monde entier. Quelqu'un peut-il freiner ça? Parce que la jalousie, son acharnement, a l'image de William Branham. Pensez-vous en ayant dit le dessein de Dieu? Une torche ne peut pas étouffer le soleil. Même si les deux sont des lumières. Il y en a une qui doit vaincre l'autre. Et Dieu a dit que vers le soir, la lumière paraîtra. Le soleil de justice a brillé. La lumière de la parole est manifestée. Il n'y a rien qui va étouffer ça. L'incrédulité de quelques-uns n'arrêtera jamais Dieu. N'arrêtera jamais Dieu. Il est allé dans le monde entier. Que des brochures n'ont pas été brûlées. Que des bandes n'ont pas été jetées. Parce qu'ils étaient mécontents, qu'ils n'en voulaient pas. Mais le message va toujours de là. des cartons et des cartons de brochures jetés dans l'eau. Par les généraux de la vérité. Mais le message atteint aussi les nations. Une lampe torche ne peut pas faire éteindre le soleil. Même si toutes les deux sont des lumières, mais le champ d'éclairage n'est pas le même. Le soleil éclaire toute la terre, tous les niveaux. La torche ne peut qu'éclairer un petit endroit. Va faire ce petit bruit dans ton clan. Dans ta petite famille faite de 8 personnes. Mais n'espère jamais arrêter le programme de Dieu pour son message. Quelques fanatiques peuvent te suivre. Mais les élus de Dieu reconnaîtront la lumière. La vraie lumière de Dieu pour leur temps. Que Dieu soit béni pour ces gens. Et il est allé dans le monde entier. Et les feux du réveil ont été allumés durant 15 ans. Sur presque chaque montagne. La guérison divine. Le à travers les nations. Et la puissance. Et la restauration. Et maintenant, ça, je crois qu'il est prêt à atteindre son point culminant final. Le message qui a progressé là. Le message qui a progressé là. Aller dans le monde entier. Il est sur le point d'atteindre son point culminant final. Ce sera quoi le point culminant? Pour produire une foi qui enlèvera l'église dans la gloire. Amen. Et Branham dit, c'est la vérité. Branham le dit, et un seul. Et cette fois-là, elle se trouve dans les messages. Et cette fois-là, qui va enlever l'église dans la gloire. Elle se trouve dans le message. Hier nous avons dit, eh bien, le message. Vous vous rappelez? Hier nous nous sommes. Nous n'avons pas de problème avec le message. Au contraire, nous l'aimons et nous le croyons. Nous le soutenons et nous l'honorons. La foi qui enlèvera l'église n'est pas dans les déterminations, mais elle est dans les messages. Un message. Amen. Nous sommes vraiment au temps de la fin. Nous en avons parlé tout le reste. Mais la chose est arrivée sur nous maintenant. Écoutez-les. Oui, monsieur. Et en voici un. Un l'absolu. C'est l'un d'eux. Vous écoutez celui-là, vous écoutez aussi les autres. Parce que là-dedans, il y a la foi qui enlèvera l'église de Dieu dans la gloire. Y a-t-il quelqu'un qui voudra être enlevé un de ces jours? Par la foi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le message de notre temps, c'est la parole de Christ. Écoutez-le. Écoutez-le. Écoutez-le. Dites-le en l'autre. Yokaka message. Yebisa ye bien. Yokaka message. Je vais voir tout le monde le dire. Tout ce qu'il y a là, lui, il est dans le voisin. Il est dans le voisin. Il est dans le message. Tout ce qu'il y a là. Il est dans le message. C'est ordonné pour vous. Et Dieu a fait de vous spécial dans ce monde. Hein? Bosa la complexité entre vous. Bosa mon corps. Amen. Solobani na kati ya simplicité. Alléluia. Eh frère François, amen. Yo kaka mesa. Amen. Yo paye bisanga hivi. Yo kaka mesa. Yo si besoin d'attendre ça. Eh tu es rapport à ma binoté, tu es biso. Biso nyo. Amen. Ça nous concerne nous tous. Et pas les biso nyo. Eh frère Soki là-bas au fond. Yo kaka mesa. Yo kaka message. Amen. Voilà. Amen. C'est comme ça dans la maison de Dieu. Il n'y a pas des gens exemptés. Ils sont trop spéciaux. Nous sommes frères et sœurs. Par la grâce de Dieu. Nous ne nous connaissions pas. Mais Dieu qui te connaissait, le même Dieu qui me connaissait, lui qui nous a rassemblés, il a fait de nous un peuple qui porte son nom. Louange à Jésus-Christ. C'est vrai. Dieu a dit quelque chose que je voudrais attirer votre attention. Le verset 20, bon, on peut reprendre verset 19 à 21. Bon, vous allez dire, mais on a déjà lu ça, non? Mais c'est la parole d'actualité. C'est l'une des promesses pour notre temps. Nous ne nous fatiguerons jamais d'en parler. On peut y revenir, Parce que c'est le message du jour. Est-ce que tu aimes ça? Répentez-vous donc et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Dont Dieu a parlé anciennement. Par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Avez-vous remarqué? On a pris cet extrait une fois pour parler de la repentance. Encore on en a pris pour parler du pardon des péchés. On en a pris pour parler de la conversion. Mais tout ça ne se trouve qu'au verset 19. Le verset 20 parle des temps de rafraîchissement. Et de Jésus-Christ qui nous a été destiné. Dans sa seconde venue, il nous a été destiné. Hébreu chapitre 9. Hébreu 9. Hébreu 9. Verset 27 et 28. Voyons comment Jésus nous est destiné. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché. Une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Et quand Paul, Pierre parle là-bas, c'était Paul dans l'hébreu. Dans l'acte, c'était Pierre. Il dit que Dieu vous envoie le temps de réfléchir et c'est lui qui vous a été destiné. Jésus-Christ. Il n'est pas destiné à tout le monde. Mais c'est destiné à ceux qui entendent ce message. À ceux qui reçoivent ce message. C'est à vous qu'il est destiné. Ok. Et Paul dit, Jésus-Christ là, qui s'est donné une seule fois. Il s'est offert pour le péché de beaucoup d'hommes. Mais il apparaîtra une seconde fois. Non pas à tout le monde. Mais à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et parmi ceux-là, je peux vous dire clairement que mon nom figure. Je suis de ceux qui l'attendent. Parce que comme il est écrit dans Philippiens 3, le verset 20, mais nous, c'est-à-dire moi et les autres. Hein? Toi aussi fais-en ce que tu veux. Selon ce que tu comprends de ce qui est écrit. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux. Vous nous connaissez comme les hommes de la terre. Mais plus loin que ça, nous sommes plus que ce que vous savez là. Vous pouvez dire, mais nous connaissons sa famille. Toi aussi, on va te dire la même chose. Mais n'empêche, la Bible dit de nous, nous sommes citoyens des cieux. D'où nous attendons aussi. Comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'attendons, nous. Dessus et là. Et dans Acte 3, le ciel doit le recevoir. Doit le garder. Jusqu'au temps du rétablissement. Mais nous attendons ce même Jésus-Christ comme sauveur. Qui viendra des cieux. Parce qu'il nous est destiné. Il doit nous apparaître. C'est Amen. Il doit nous apparaître. C'est la parole qui ne faillira pas. Il transformera, verset 21, le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de se sujeter toutes choses. Est-ce que vous aimez le plan merveilleux de Dieu? Jésus-Christ est allé au ciel, mais le ciel doit le garder. Nous, nos enfants sur terre, nous l'attendons. Soyez sûr, il reviendra. Dans Jean 14, verset 3, il avait dit que je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai apprécié la place, je reviendrai. Et je vous prendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette promesse est certaine et véritable. Un de ces jours, elle s'accomplira. Ce n'est pas une explication. C'est un événement qui va se produire. Tu dis amen. Dieu est fidèle à chaque parole. Maintenant, vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ doit revenir. Mais avant qu'il ne revienne, il y a le temps de rétablissement de toutes choses. Or, le temps de rétablissement de toutes choses ne peuvent pas commencer, débuter ou exister sans que celui qui doit rétablir toutes choses ne soit d'abord venu. C'est à partir de la venue de celui qui doit rétablir toutes choses, et nous pouvons commencer à compter le temps de rétablissement de toutes choses. Il y a quelqu'un qui doit rétablir toutes choses. Qui est-il? Azaman. Dans votre Bible, qui est-il? Nakata Bible. C'est quel passage? Ça y est même au tableau. Ça y est même au tableau. Nous l'avons lu ce soir. Pour commencer la prédication. Pour la commandalité. En quelle position? Celui qui doit rétablir toutes choses. C'est quel passage? Oui. Maintenant vous avez beaucoup de passages là-bas. Enseignez-moi le passage qui indique celui qui doit rétablir tout. Bon, là, qui là. Oui. Oui, frère Jean. Non. Frère Jean est joué. Indiquez-moi le passage qui précise celui qui doit rétablir tout ça. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Papa Soki a échoué. Papa Soki a échoué. Frère Joseph, parlez-moi. Marc 9 et Malachi 4. Frère Joseph a échoué. Joseph a échoué. C'est fini. C'est fini. Donc, le diacre a réussi. Marc 9, verset 12. C'est tout ce que vous avez là. Le passage qui précise... C'est lui qui doit rétablir toutes choses. Il y en a un seul ici. Marc 9, verset 12, qui dit quoi? Ça y est, au panneau. Est-ce que vous retenez? Est-ce que vous retenez? J'ai dit que ceux qui ont dit Malachi 4 et Marc ne font pas chaud. Pourquoi? Malachi 4 ne parle pas de l'établissement de toutes choses. Il parle de ramener le cœur des enfants à leur père. Et cela a une signification précise. Et dans Acte 3, ceux qui ont cité là-bas ont échoué. Pourquoi? Parce que la question ne parle pas du rétablissement de toutes choses. Mais la question cherche qu'on nous indique celui qui doit rétablir toutes choses. Et dans Acte 3, verset 21, il n'est pas parlé de celui qui rétablit toutes choses. Et il est parlé uniquement de rétablissement de toutes choses. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est la Bible, non? Okay. Mettez Acte 3, verset 21. Voyez si une question de quelqu'un là-bas. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Quand vous lisez là, mais il est décrit le rétablissement de tout ça. Qui doit avoir lieu en un temps. Que Dieu a prévu. On t'a mais on ne mentionne pas les prophètes. Je vous pose la question. Vous et moi, aujourd'hui, où nous parlons. Avons-nous le prophète vivant parmi nous? Maintenant, je vous demande. Sommes-nous au temps du rétablissement de tout le monde? Même sans le prophète? Est-ce que l'écriture est en train de s'accomplir? Êtes-vous là? Est-ce que vous essayez de voir? Vous avez posé une question directe pour que vos yeux s'ouvrent. L'écriture d'Actes 3:21. Mais je ne suis pas un prophète. Pour le rétablissement de toutes choses. Pendant le déroulement de cela. Mais c'est dans Marc 9:12. Il y a un mal à comme Qu'Élie lui a confié la mission de rétablir toutes choses. C'est lui. Donc si lui ne vient pas, ce qui est à l'unité, le rétablissement ne viendra pas. Élie devait venir d'abord pour rétablir toutes choses. Mais après sa venue, et avant le retour de Christ, il y aura un temps du rétablissement de tout ça. Et dessinons un peu ça. Que ce soit clair pour tout le monde. La ligne du temps est ici. Jésus est venu la première fois là. Mais les pointillés pour indiquer le moment avant la venue de Jésus-Christ. Depuis un temps ici, on dit presque de l'an 4 jusqu'à l'an 31. Ou si vous voulez, l'an 0 à 33. Jésus-Christ était sur la terre. Avant que lui ne prêche, Jean-Baptiste a été envoyé comme Élie. Et Jean avait reçu la consigne. Il verra le Messie promis. Et qu'il l'identifiera par un signe. Et celui qui l'a envoyé lui avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. Qui baptise le Saint-Esprit de feu. Et Jean a vécu jusqu'à ce moment-là. Jésus-Christ est venu. Et il a vu le signe se produire. Et Jean a témoigné et confirmé que c'est lui qui était le Fils de Dieu. Maintenant, cet événement de la venue d'Élie, qui est venu premièrement. Oh, il est venu avant le Messie. Il est promis que ça devait se reproduire. Au temps de la fin. Avant le retour de Christ. Yambo na boyei na Christo. Jésus-Christ doit revenir. Je le mets ici. Yes, Christ. À la fin non, de la course d'église. Là-bas, c'est lui qui doit venir. Mais avant que Jésus-Christ ne vienne, il y a un temps du rétablissement de toutes choses. Il y a un temps où il y a rétablissement de toutes choses. Alors, ce temps vient juste avant le retour de Jésus. Mais ce temps ici ne pouvait pas survenir sans que le serviteur promis pour avoir la mission de rétablir toutes choses mais soit d'abord venu. Ici, là, vous avez acte 3, 21. Mais avant ça, nous avons Marc 9, 12. Et ici, c'est Élie. Le Seigneur a dit, Élie vient premièrement. Premièrement, là, c'est double compréhension que vous devez avoir. Il vient premièrement avant que le rétablissement de toutes choses ne soit effectif. Et il vient également premièrement avant que Jésus-Christ ne revienne. Vous avez donc deux événements prophétiques qui sont conditionnés par la venue de l'Israël. Le premier événement, c'est le rétablissement de toutes choses. Le dernier événement, c'est le retour de Jésus-Christ. Qui comprend, levez la main. Il y en a qui n'ont pas compris. Il y a des sœurs qui n'ont pas levé la main. Qui n'ont pas compris, levez la main. Levez maintenant la main pour qui n'avait pas compris. Oh. Mais il y en a qui n'ont ni compris ni pas compris. Un doigt. Un, deux, trois, quatre. Très bien. Les écritures prophétiques, je reprends. Les écritures prophétiques sont programmées dans la ligne du temps. Chaque chose doit arriver au temps marqué par Dieu lui-même. Vous pouvez retrouver, ça se suit dans la Bible. Mais Dieu connaît l'ordre dans lequel chaque événement va prendre place. En parlant de la ligne des temps, nous voyons la réalité de la vie sous le soleil. Bien, parce que les frères, il y a des frères qui n'ont pas compris. Traduire correctement, prononcer bien les mots n'avalez pas. Voilà. En parlant de la ligne des temps, nous voyons la réalité de la vie sous le soleil. Ici sur la terre, des événements qui se produisent et se succèdent. Et pendant qu'il se succède, le temps est en train d'avancer. On compte le temps du passé au futur. Il y a eu un temps où il y avait les années de la colonisation, il y a les années de l'indépendance, il y a les années de cette liberté qu'on a ici. Mais il y a un futur après ceci. Comme l'année 2025. Et ces événements, ils ne sont pas encore arrivés. Vous savez que c'est à venir. Mais l'année 2018, et ces se sont déjà passés. C'est de l'histoire. Mais l'année 2022, est en train d'évoluer. Elle n'est pas encore terminée. Il y a des choses qui se font. Maintenant, nous mettons ici. J'avais mis l'année 31. Après Jésus-Christ. Nous allons à un moment, nous mettons l'an 1900. D'accord? Par rapport à l'an 31, nous avons 1900 ici. Par rapport à nous, aujourd'hui 2022, 1900 c'est régulé. Aucun de nous n'était vivant cette époque. Ni aucun de nos grands-pères. Né là. N'était là. Donc nos ancêtres, ceux qui sont venus après eux là, voyez ça. Donc, alors, en 1900, il n'y avait rien. En 1906, quelque chose s'est passé. Et c'était quoi? Je rappelle. 1906. Oh. La mémoire ne nous aide pas. Oui. Très bien. Malamu. Très bien, frère Caleb. Malamu. 1906, c'était le début de l'âge de l'église de Laodicée. C'était le jubilé de la rue Azusa. Et Zalaki Azusa. Azusa suite jubilé. Le Saint-Esprit est descendu sur les gens. Et puis on les a taxés de Holy Rollers. Les gens qui se roulent par les yeux. La puissance qui s'emparait de eux. C'était le début de l'âge de l'Odyssée. Ensuite, en 1909. Na mubuya koto moko kama libona moto na libwa c'est passé. C'est lequel? C'est là qui nini? Très bien. Naissance de William Branham. Motama ya William Branham. En 1906. Na mubuya koto moko kama libwa de zomi. Les années suivantes. Motama. Au 20e siècle. Il s'est passé encore quelque chose. Et là comme sous le kanaki. Deux choses importantes qu'on a mentionnées. Lesquelles? C'est là qui nini? Makamu bale ya mutu ya makasi. Prophétie de Charles Price, l'appel de William Branham. Quand il avait l'âge de 7 ans. 1916. Maintenant, remarquez. En 1933. Il se passe encore quelque chose. Au mois de juin. C'est quoi? La première commission du prophète. La colonne de feu est venue. Elle a dit ce que nous répétons ce soir. L'histoire de nom du Seigneur. Mais la manière dont il a parlé à ce prophète, comme il a comparé à Jean-Baptiste, cela montre que le même Dieu qui avait envoyé Jean-Baptiste avec l'esprit de la puissance d'Élie vient d'envoyer William Branham avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour vous aider. Dans la vie de Jean-Baptiste. A-t-il vu la colonne de feu? C'était à l'occasion de quoi? Au baptême de Jésus-Christ. C'était même le signe qu'il attendait. Et pour confirmer la venue du Messie. Maintenant dans la vie de William Branham. Celui le précurseur. Était-ce celui le précurseur? Est-ce que c'est William Branham le précurseur? William Branham n'a comme ça, oui. Qui est le précurseur? Est-ce que William Branham a-t-il vu la colonne de feu? William Branham a qui est la moto? Est-elle apparue ce jour-là publiquement? Et des milliers de gens ont-ils vu? Et donc le message est précurseur. Dans la vie du prophète Élie le Tishbite. Avait-il vu la colonne de feu? C'était où notamment? Au Mont Carmel. Ce feu a-t-il régler tous les doutes? Oui. Répondez aux questions du peuple et dit non. Béni soit le nom du Seigneur de Dieu. Il ramène ce qui était passé. La même colonne de feu nous a visités. Elle a envoyé un prophète comme Élie. Et selon Marc 9. Il était dit, Élie viendra. Nous les lisons dans la Bible comme ça, on ne peut pas les changer. Mais quand vous et moi, nous les lisons aujourd'hui. Cette écriture qui était prophétique. Ni combien est ça qui ne connaît pas quoi. Quand on Jésus-Christ a annoncé ça. Attends, on Jésus-Christ ça le voit qui a mort. Déjà devenu de l'histoire. Et c'est comme il a quoi du soleil les cas. Élie en question est déjà venu. Élie on va dire qu'on est là, à sa yéhi. Pour rétablir toutes choses. Pendant la nuit, c'est la macabre. Est-ce que vous voyez? Vous allez comment là? Élie devait venir premièrement. Élie est celui-là qui est dans les bosses. Avec la mission de rétablir tout. Non, mais ça là, la question que c'est la macabre. Mais ce n'est pas l'homme qui rétablit. Car si vous tentez, vous allez dire que c'est la parole que Dieu place en lui qui va rétablir. Il ne va pas en faire quoi faire la carte n'aille. Il y a mon écho sur la musala. Qui dit amen? Ça va dire qu'on va bien. L'homme ne peut rien faire. Dieu fait tout par sa parole. Au commencement même était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout qui existe a été fait par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Même le rétablissement de Dieu ne peut pas se faire en dehors. C'est la parole, le message. C'est le passant qui va rétablir les choses. Mais il doit être proclamé par quelqu'un. Il faut que ce quelqu'un vienne d'abord. Et que la parole se mette au travail. Qui dit amen? Est-ce que mes soeurs qui ne comprenaient pas ont compris quelque chose? L'avenir de l'île, c'est l'avenir de l'île. Avec permission de rétablir toutes choses. Mais l'homme ne peut rien faire de lui-même. C'est Christ, l'homme qui doit faire les choses. La parole de Christ doit rétablir les choses. Car Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Dieu ne fait tout que par sa parole. Comprenez ça. Amen. Voilà pourquoi l'homme peut ne plus être là. Par la parole de Dieu, que vous allez péter. Ça n'annule pas les écritures. Et quand l'homme l'a commuté. Le fait qu'il n'est plus là. À ça qu'il commence à s'éteindre. Ça montre que ça marque Marc 9, 12 est déjà de l'histoire. Et pas il s'est mette mal comme au capon à l'ibom longo. Et ça nous a dit, il est déjà venu. À ça il est. Il a déjà prêché le message au complet. À Théis, ça nous a mis mal à la mort. Et nous avons son message sous forme de bande et de brochures. Sous-en, ça nous a dit, il est comme un ipé dans ma bande. Béni soit le nom de Dieu. Comme moi, on a connu comme un pamo là-bas. Mais après sa venue, si prend place le rétablissement de toutes choses. Vous écoutez pourquoi? Parce que certains d'entre nous, nous n'avons même pas vu physiquement ce Élie. Qu'il ait commencé à prêcher et terminé à prêcher jusqu'à sa mort, il y a certains d'entre nous qui n'étaient même pas encore nés dans ce monde. Et pourtant, ils sont concernés par le retour de Christ. Ils sont concernés par l'enlèvement. Ils seront dans l'enlèvement. Amen. Mais quand Élie est venu, elle était quoi là? Maintenant, on doit vous expliquer la voix de Dieu. Quel est le programme de Dieu au temps de la femme? Comment Dieu a-t-il fait les choses? En effet, Matthieu 17. Lisons ça au présent. Matthieu 17, verset 17. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit. Il est vrai qu'Élie doit venir. Et rétablir toutes choses. Ça, c'est une vérité indiscutable. Le Seigneur a dit, il est vrai. C'est possible, même si tu ne le savais pas, c'est vrai. C'est une obligation, Élie doit venir. Et nous vous annonçons la bonne nouvelle. On est très content de le faire, madame. Que cette promesse, Dieu l'a accomplie à notre temps. Au 20e siècle. Là, 20e siècle. Élie en question est venu. Élie, on va parler comme elle a eu. Là aussi, c'est vrai. Il est déjà venu. Pour rétablir toujours. Mais le rétablissement concerne l'église dans le monde entier. Vous dites amen. Amen. Même de ceux qui n'ont pas vécu du vivant de ces prophètes-là. Ils sont concernés par le rétablissement de Dieu. Ça les concerne. Et ça, et alors si nous rentrons dans acte 3, ce que nous dans le verset 21, est-ce que vous avez la traduction du Seigneur? Projetez-nous ça. Très bien. En attendant. Et réglez un peu au verset 20 pour voir la pensée. De la manière dont alors le Seigneur vous accordera des temps de repos. Et il vous enverra qu'il vous a destiné comme Messie. Jésus. Yes. Vous croyez? Quand Pierre dit ça, après l'événement de la Pentecôte, Jésus était là. Jésus était là. Il de la promesse de son retour. Verset 21 maintenant. En attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré. Ce n'est pas une affaire d'un clan, d'une famille. C'est l'affaire du Dieu de l'univers. C'est l'univers entier qui doit être restauré. Et qu'est-ce qui fera ça? C'est le message que nous t'étonnons ici. Mon frère, ma soeur, on ne joue pas avec les choses de Dieu. S'il vous plaît, ce n'est pas le commerce des tomates ici. Réalisons bien. En attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré. À cause de Tamasika. Comme Dieu l'a annoncé, depuis des siècles, par la bouche de ses prophètes, c'est un programme déjà prévu clairement. Élie vient avec cette mission, et le message a une portée mondiale, une portée universelle. C'est pour cela que dans la proclamation du message, il y a des hommes et des femmes qui croient. Il y a les morts qui ressuscitent. Il y a les malades qui sont guéris. Il y a la mère au poisson qui a témoigné. Il y a les poissons qui ont ressuscité. Il y a les écureuils qui criaient. Il y a des maladies redoutables guéries. Vous connaissez qu'elle fasse des résultats. Et ça, le message restaurateur. Et capable de restaurer partout. Restaurer la guérison là où on a perdu la santé. Restaurer le succès là où il y a eu les défaites. Restaurer les bénédictions que le diable avait volé. Restaurer tout ce que vous avez perdu. Pour que vous soyez dans l'univers. Vous êtes concernés. Alors pensez-vous, croyez le message. Il fera des choses grandes et merveilleuses. Que Dieu vous bénisse. Le temps est fini. Et la parole n'est pas finie. Et le sucre là. Et le reste. Et le restant. Et elle nous enlevera. Et connaître la mission. Que le monde ne le veuille ou pas. Mais qui ne va pas nous message nous enlèvera. Et connaître la mission. Et la foi pour être enlevé. Quand il va pour la connaître la voix. Quand il va connaître la voix. Quand il va connaître la voix. Quand il va connaître la voix. C'est que ton dame a pas mon ami, non? Mettons-nous debout. Montez comme à l'école. Hello, ya. Yesum ben zambé. Amen. Son ben zambé. Yesum ben zambé. Amen. Ah, alléluia. Oh, oh, amen. Bambe na bekamwa, amen. Bela bekamwa, bambe na bekamwa, amen. Bambe na bekamwa, amen. Ah, alleluia. Thank you. les mains, adorons Dieu tous ensemble. Amen. Notre Père Céleste, nous t'adorons au nom de Jésus-Christ de voir combien tu es bon. Amen. Tu es si tendre à notre égard. Nous n'avons rien mérité. Nous ne pouvons rien savoir de nous-mêmes. Comment un humain pouvait-il accéder à cette chose? Mais c'est par sa grâce qui est dans cette parole que nous pouvons aujourd'hui voir, comprendre, entendre, retenir, soutenir, honorer ce message. Merci pour tout. Merci, Tata. Merci Père de sainteté. Tu as fait beaucoup et tu feras encore beaucoup. Laisse que notre foi monte davantage. Et que nos vies se séparent davantage de futilité. Pour nous préparer sérieusement à l'enlèvement. Pas à pas. Jour après jour, nous voulons progresser avec Dieu. Exauce nos prières. Restaure ton église. Restaure notre foi. Restaure nos ministères. Restaure toutes choses. Car nous sommes à cette heure. Oh Dieu, il est temps de te rétablir. Tu as promis le temps de rétablissement de tout le monde. Il fut un temps où tu as dit que la lumière soit. Il fut un temps où on a attendu la lumière. Et il fut aussi un temps où on a dit que la lumière fut. Il fut un temps où tu avais dit Élie viendra. Il est arrivé un temps où Élie était venu. Et comment était Élie ayaki? Et aujourd'hui c'est de l'histoire. Et le soleil est cas. Mais la mission du message ensemble, et la grande commission du Saint-Esprit qui veut vivifier son message. Oui, nous ne voulons rien rater de cela. Maintiens-nous connectés à chaque réalisation surnaturelle conforme à ton plan, à ton dessein qui est clairement écrit dans la Bible. Réveille mon frère, réveille ma soeur, réveille l'église pour que le message atteigne le point culminant final, déclenchant la foi de l'enlèvement, pour que ce monde parti. Exauce-nous abondamment, mon Dieu. Garde tes bébés dans ce moment de séparation. Méditation à domicile. Bénis la méditation chemin faisant. Nous voulons le fruit chrétien. Le fruit de la foi restaurée. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions ainsi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse.